Bonjour Tiffaine de Rocchini et à demain. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous retrouver au troisième jour de notre série consacrée à l'écrivain Patrick Modiano. Il est bien né en 1945 et non pas en 47, comme il l'a laissé entendre durant de nombreuses années. 47, c'est la date de naissance de son frère, disparu à l'âge de 10 ans et qui était, comme il l'écrira plus tard, sa seule véritable attache au sein d'une famille au sein de laquelle les enfants ne comptaient pas beaucoup. C'est à ce frère perdu qu'il dédiera ses 8 premiers romans, comme nous l'a expliqué lundi Denis Cosnard, lors de notre première émission à caractère biographique. L'œuvre de Patrick Modiano, elle touche à des genres différents, des récits, des romans, des albums jeunesse, mais également le scénario du film de Louis Malle, La Combe Lucien, ou encore, dans sa jeunesse, quelques chansons comme celle écrite pour Françoise Hardy. Cette œuvre, au ton singulier, à la fois classique et distancié, Bruno Blankmann nous en a parlé hier, dans une émission que vous pouvez retrouver, comme toutes les autres, en podcast. Et puis demain, avec Claude Burgelin, nous reviendrons sur le thème de la mémoire et de l'oubli, ainsi que sur des questions stylistique à travers deux romans en particulier, La Petite Bijou et Accident Nocturne. Qu'en est-il d'aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler notamment de la période de l'occupation chez l'écrivain et en particulier à travers son livre Dora Bruder, je m'entretiendrai après la chronique d'Alexis Broca avec l'historien Laurent Douzou, professeur à Sciences Po Lyon et spécialiste de cette période. Mais pour commencer, nous sommes en votre compagnie, Dominique Viard, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de littérature française, critique, essayiste. Vous avez édité une anthologie de la littérature contemporaine française, romans et récits, depuis 1980. C'est aux éditions Armand Collin. Il a paru ce livre en 2013. Vous avez écrit sur de nombreux auteurs comme Pierre Michon, Éric Chevillat ou encore Claude Simon. Claude Simon, à qui vous avez d'ailleurs consacré, il y a pas mal d'années maintenant, un essai intitulé « Une mémoire inquiète ». Je mentionne ce titre en particulier parce que vous pourriez peut-être écrire aujourd'hui, un peu dans la même veine, un livre qui s'appellerait « Une mémoire inquiète » de Patrick Modiano. C'est bien de cela qu'il s'agit avec cet écrivain. Oui, une mémoire incertaine plutôt qu'inquiète, une mémoire troublée, une mémoire hésitante et puis une mémoire persistante aussi. Mais l'analogie entre ces deux écrivains, elle s'arrête là, au thème de la mémoire. Stylistiquement, on a deux écrivains parfaitement opposés. Parfaitement opposés, pas forcément, mais très différents. Très différents dans l'écriture, puisque l'écriture de Claude Simon, c'est une écriture de la phrase longue, avec beaucoup d'incidents, de parenthèses, d'insertions, de multiples histoires dans la phrase. Alors que la phrase de Modiano est très courte, très brève, et elle est justement sans histoire. C'est peut-être ça qui est très intéressant du point de vue de sa mémoire, dont vous reparlerez demain, c'est que la mémoire de Modiano, c'est une mémoire de noms, il y a quantité de noms dans ses ouvrages, c'est une mémoire de lieux, il y a quantité d'adresses, mais c'est pas une mémoire narrative, en fait. Tous les personnages qui transitent dans ses livres, on ne sait pas ce qu'ils sont, ni d'où ils viennent, ni ce qu'ils adviennent ensuite. C'est comme une sorte de mémoire figée, je dirais une mémoire statique, comme si toutes les images, tous les mouvements s'étaient arrêtés, que le narrateur se promène dans cet univers immobilisé. Comme si on feuilletait des photos ? Un petit peu, oui, des albums de photos, des traces, des souvenirs. Mais les traces ne produisent pas d'histoire, ou alors il faut les construire, les rechercher, et c'est ce qui se passe dans Dora Bruder, avec effectivement tout un travail d'investigation. Mais la plupart du temps, c'est plutôt une mémoire allusive, en fait, et effectivement, du coup, très incertaine, parce qu'on ne parvient pas à inscrire les gens dans leur histoire. Mmh. pour revenir à mon analogie avec Claude Simon, et stylistiquement parlant, là où Claude Simon excède le sens, déborde le sens, Modiano, lui, empêche le sens d'advenir complètement. Oui, c'est très en retrait, en fait. Ce qui est tout à fait frappant, c'est que ces phrases, qui sont des phrases courtes, qui sont des phrases simples, donc le modèle syntaxique qui devrait être celui de la plus grande clarté, produit un effet de trouble. Alors, ça produit un effet de trouble à cause du lexique. Lorsqu'il parle de quelqu'un, souvent, il met devant l'adjectif un certain, un tel, ou une certaine, un tel, comme si c'était déjà une manière de jeter un doute sur le nom. Et de fait, les noms changent. Les noms sont des noms d'emprunt. Parfois, un nom est suivi d'un alias, ou bien on apprend que tel nom n'est pas le bon, que le personnage s'appelle autrement, ou bien des noms reviennent pour désigner des personnes différentes. Enfin, voilà, il y a un trouble autour des noms. Donc il y a un trouble dans le lexique, mais il y a un trouble aussi dans le fait que ces phrases ne sont pas ajustées les unes aux autres, elles ne sont pas reliées. Il y a, par exemple, on trouve très très rarement chez Modiano des chevilles de construction comme des donc, des parce que, des systèmes d'explication. Parce que tout la phrase est comme juxtaposé, oui, mais sans liaison. On pourrait très bien avoir des phrases courtes. Parce qu'on ne veut pas tirer de conséquences, en fait. On veut justement que les choses soient exposées comme cela. Et c'est au lecteur de ajouter les cars, les donc, les conséquences, oui, finalement. Tout à fait. Mais le lecteur en est empêché, en fait. Parce que ça ne fonctionne pas. Et on ne parvient jamais à savoir ce que devient un personnage, pourquoi est-ce qu'il est là, qu'est-ce qu'il faisait exactement, quelle relation avait-on avec lui. Les choses sont comme ça toujours très très incertaines. Et pour quelle raison? Quelle est l'idée derrière tout cela? Modiano s'en expliquait souvent. En fait, il était très marqué par l'atmosphère de l'occupation, non pas telle qu'il l'a vécue, parce que vous vous rappeliez tout à l'heure qu'il s'est présenté comme étant né 2 ans plus tard sa naissance réelle, mais il a aussi falsifié son passeport, ça il le dit dans l'autre sens, dans un pédigré, pour prétendre être né en 43. Et il dit d'ailleurs, j'avais 20 ans, mais ma mémoire précédait ma naissance. Comme s'il avait une mémoire infuse d'années qu'il n'avait pas vécues. Il dit qu'il est un enfant de l'occupation, puisqu'il est né effectivement de la rencontre de ses parents dans ces années-là. Mais ce qu'il montre très bien, c'est que l'atmosphère de l'occupation a perduré au-delà. Peut-être que Laurent Douzou nous en parlera tout à l'heure, mais tous ces mondes interlopes qui a vécu du marché noir, d'identité fausse, qui ne cessaient de se déplacer, ça a duré jusque dans les années 50, dans les années 60, encore pendant la période de la guerre d'Algérie, avec aussi toutes sortes d'incertitudes dans les comportements et les activités des uns et des autres. Et c'est cette période-là qu'a vécu Modiano. Il en parle lui-même dans un pédigré, dans son autobiographie, en montrant qu'il était baladé d'une adresse à une autre, que des gens s'occupaient de lui, c'était jamais les mêmes, qu'il était en pensionnat, qu'il faisait des fugues, que son père essayait de l'inscrire dans un lycée qu'il empartait la veille de la rentrée, enfin. Et donc, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas d'enracinement. Et donc, ce sentiment-là d'égarement permanent, finalement, c'est quelque chose qui est aussi trouble que les années d'occupation et sur lesquelles, finalement, sa vie s'est superposée. Si bien qu'il y a beaucoup d'allusions, y compris dans des textes qui ne parlent pas de cette période, à cette période, comme si c'était une sorte de modèle d'existence. On reviendra sur un certain nombre de choses que vous avez dites, Dominique Viard. J'en reviens à Claude Simon. Il est en Pléiade. Modiano ne l'est pas. Ça va venir peut-être. Oui, il pourrait l'être, oui. Ce serait un élément de stabilité, ça. Ah, ce serait une façon de l'inscrire dans le patrimoine littéraire, oui. Mais de fait, le prix Nobel, quand même, l'a déjà inscrit, je dirais, de manière tout à fait évidente. Ça y est, il est panthéonisé. C'est un grand écrivain français pour les décennies qui viennent. C'est un grand écrivain français dans la réception qu'on en a. Il y a énormément d'études qui sont publiées sur Modiano, en France comme à l'étranger. C'est une référence majeure dans les travaux de littérature. C'est une référence très importante aussi pour des écrivains plus jeunes que lui, qui sont fascinés par cette œuvre et cette manière d'avancer dans le flou et dans l'incertain. À qui pensez-vous ? Il y a beaucoup d'écrivains, je crois, qui s'intéressent à ce travail-là, et particulièrement à Dora Bruder, que vous évoquiez tout à l'heure. Modiano a introduit, je crois, dans la littérature, une forme de méthode historique qui n'était pas fréquentée par les écrivains. C'est cette méthode qui est apparue en Italie, qu'on appelle la microstoria, autour de Carlo Ginzburg, d'Eduardo Grandi et quelques autres. C'est-à-dire une manière de raconter l'histoire, non pas comme une narration, un récit qui se prolonge et qu'on suit de manière chronologique, mais comme avec une approche, je dirais, archéologique. C'est-à-dire qu'on part d'aujourd'hui aujourd'hui, de l'incertitude qu'on ait par rapport à un passé donné. Et le livre produit une enquête. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que le livre raconte cette enquête, au lieu de raconter simplement le résultat de l'enquête, ce que ferait un historien traditionnel. Mmh. Ça, tout le monde le fait aujourd'hui en littérature, presque. Beaucoup de gens le font en littérature. Oui, oui, on peut penser à Éric Vuillard, on peut penser à de nombreux écrivains, à des historiens aussi qui se mettent à le faire, Patrick Boucheron, par exemple, et d'autres encore. Et c'est une manière voilà, archéologique de dire l'histoire. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, l'événement historique n'est pas présenté dans une sorte de pure transparence, avec un savoir stable et établi, mais il est présenté dans l'enquête qui entreprend de le faire apparaître. Et du coup, le narrateur qui entreprend cette enquête se présente, lui, dans le rapport qu'il a avec cet événement historique. Mmh. Donc il est présent, le narrateur, avec ses incertitudes, ses intuitions, ses recherches, les impasses de ses recherches. Et ça donne à la littérature une dimension tout à fait novatrice qui est très très présente sur la scène littéraire aujourd'hui. Et qui croise l'autofiction, parce que c'est toujours une façon, du coup, de se raconter en même temps qu'on raconte l'enquête qu'on fait. Alors, est-ce que c'est une manière de se raconter ? Je ne crois pas. L'autofiction entreprend de raconter l'histoire du sujet lui-même. Là, c'est une histoire autre qu'on entreprend de raconter. Enfin, Modiano se raconte en même temps qu'il raconte Dora Bruder. Il se raconte comme celui qui cherche Dora Bruder et comment il puise dans les éléments de sa propre vie des possibilités de figuration de ce qui a pu arriver à cette jeune femme. Elle était fugueuse, lui a été fugueur, et il essaye de savoir ce qui a pu motiver sa fugue en puisant dans sa propre expérience du désir de fuite. C'est pas exactement une manière de se raconter, c'est une manière de puiser dans une expérience personnelle pour pouvoir se figurer l'expérience d'autrui. Alors on parlait des prix Nobel français, les derniers, Claude Simon et Modiano. Je vous propose d'écouter justement un extrait du discours de réception de ce prix, écrit par Patrick Modiano, lu ici par Guillaume Gallienne. Il y parle justement du Paris de l'occupation. Je suis comme toutes celles et tous ceux nés en 1945, un enfant de la guerre. Et plus précisément, puisque je suis né à Paris, un enfant qui a dû sa naissance au Paris de l'occupation. Ce Paris-là n'a cessé de me hanter et sa lumière voilée baigne parfois mes livres. J'ai toujours cru que le poète et le romancier donnaient du mystère aux êtres qui semblent submergés par la vie quotidienne, aux choses en apparence banales. Sous leur regard, la vie courante finit par s'envelopper de mystère et par prendre une sorte de phosphorescence qu'elle n'avait pas à première vue, mais qui était cachée en profondeur. C'est le rôle du poète et du romancier, et du peintre aussi, de dévoiler ce mystère et cette phosphorescence qui se trouve au fond de chaque personne. Vous avez eu l'indulgence de faire allusion concernant mes livres à l'art de la mémoire avec lequel sont évoquées les destinées humaines les plus insaisissables. Mais ce compliment dépasse ma personne. Cette mémoire particulière qui tente de recueillir quelques bribes du passé et le peu de traces qu'ont laissées sur Terre des anonymes et des inconnus est elle aussi liée à ma date de naissance. D'être né en 1945 m'a sans doute, comme ceux de mon âge, rendu plus sensible au thème de la mémoire et de l'oubli. Il me semble malheureusement qu'aujourd'hui, la mémoire doit lutter sans cesse contre l'amnésie. À cause de cette couche, cette masse d'oubli qui recouvre tout, on ne parvient à capter que des fragments du passé, des traces interrompues, des destinées humaines fuyantes et presque insaisissables. Mais c'est sans doute la vocation du romancier, devant cette grande page blanche de l'oubli, de faire ressurgir quelques mots à moitié effacés, comme des icebergs perdus qui dérivent à la surface de l'océan. La compagnie des auteurs sur France Culture, c'est un beau manifeste, Dominique Viard, de ce que doit être finalement l'écriture pour Patrick Modiano, une manière de révéler par les détails ce qu'on ne peut voir finalement que par phosphorescence. Oui, je trouve qu'il y a deux choses très belles dans son propos ici. D'abord, une qui confirme notre échange de tout à l'heure, il parle des mots et de fragments, ce qui montre bien qu'il est un écrivain du lexique et notamment des noms. Ce qui est frappant chez Modiano, c'est l'usage des listes. Il y a très très souvent des listes. Or, les listes, ce n'est pas quelque chose d'anodin. On pourrait dire que c'est un degré zéro de la littérature, parce qu'il n'y a pas de phrases à partir de ces listes, il y a juste des noms. Mais c'est aussi les listes de tous les mémoriaux, et notamment les mémoriaux à tous les juifs disparus. Les listes de lettres envoyées aussi comme il le fait dans Dora Bruder, par des personnes qui ont perdu leurs proches, qui envoient à la préfecture des lettres demandant où est passé leur enfant, où est passé leur conjoint. Oui, des listes aussi de fiches policières. Je crois que c'est dans Villa Triste où il évoque les listes de chiens disparus, et sous ces chiens, on peut imaginer d'autres figures disparues. Donc il y a ce côté très, très lexical qui s'opposerait à un côté beaucoup plus syntaxique chez Claude Simon, que vous évoquiez tout à l'heure. Je crois que ça, c'est important. Un deuxième phénomène qui me semble notable dans son propos, c'est cette dimension un peu fantomatique de la ville du passé, qui souvent a été détruite, remplacée par d'autres bâtiments. Et on sent dans les livres de Modiano, souvent parce que le narrateur se rend sur les lieux où se sont passés tels ou tels événements, où ont habité telle ou telle figure de son livre, quelque chose comme un travail de superposition entre le présent et le passé, comme si le passé perdurait de manière fantomatique par-dessus le présent qui l'a recouvert. Je parlerais assez volontiers de littérature spectrale, en fait, pour désigner ce type de pratique. Et ça, c'est aussi un geste très intéressant de l'écriture de Modiano, c'est que ces phrases sont floues, sont ambiguës, mais souvent, elles sont aussi surchargées d'un sens second, plus souterrain, qui se devine plus qu'il ne s'explicite dans le mouvement de la lecture. Mmh. Donc il recherche finalement les couches successives d'histoires, par exemple dans la ville, et notamment celles qui ont trait à la période de l'occupation. Il a été, Modiano, pendant assez longtemps, l'un des seuls, si ce n'est le seul écrivain, à s'intéresser à cette période dans les années 60, 1968. C'est l'apparition de son premier roman, La place de l'étoile, qui porte sur ce thème-là. À cette époque, on ne s'intéresse pas, quand on est écrivain, à cette période-là, Dominique Viard. Oui, en fait, le rapport de la littérature à l'histoire est tout à fait intéressant. Des périodes diverses se succèdent. Il y a une première période qui est immédiatement consécutive à la guerre, où, de fait, on écrit beaucoup sur l'histoire, sur ce qui vient de se passer. Un village à l'heure allemande, tous les textes de Sartre, etc., qui reviennent sur la période de la guerre. Et puis ça s'arrête, dans le grand moment structuraliste où la littérature est devenue une recherche formelle. Une universitaire de Lille, Nelly Wolf, parle du nouveau roman comme d'une littérature sans histoire. Alors c'est vrai que c'est une littérature sans histoire parce que c'est pas romanesque et ça ne raconte pas des histoires. Mais c'est aussi une littérature qui s'est comme dégagée de l'histoire avec un grand H, comme si on ne pouvait plus la raconter. Et c'est en 68 Modiano, puis ensuite un peu plus tard Pérec, qui remettent l'histoire sur la scène littéraire. Et depuis les années 75-80, elle est devenue un sujet majeur de la littérature contemporaine. Il faut dire au passage que ce roman, La place de l'étoile, est un titre qui n'est pas réellement emprunté à Robert Desnos, puisque Modiano ne savait pas qu'il y avait avant lui un autre écrivain qui avait écrit un livre portant le même titre, mais tout de même, c'est un titre qui existait. C'est un titre qui existait, il le rapporte effectivement dans Dora Bruder. C'est aussi une histoire juive. Vous savez, c'est ce qu'il met d'ailleurs en exergue du livre. Ce soldat allemand qui demande à un passant où est la place de l'étoile, et le passant lui désigne sa propre poitrine. Donc il y a l'occupation dans un certain nombre de livres où c'est évident, La place de l'étoile, Dora Bruder. Mais ce que vous dites, vous, Dominique Viard, c'est qu'au fond, l'occupation, cette période, elle existe quasiment partout. Elle existe dans presque tous les livres de Patrick Modiano. Oui, c'est assez fascinant. Alors, elle existe comme une sorte de coloration, d'atmosphère de générale, comme une sorte de hantise. Et il y a des textes qui sont assez étonnants à cet égard. Livret de famille, par exemple, qui est une sorte d'autofiction de Modiano avant qu'il écrive sa véritable autobiographie dans un pédigré. Dans un chapitre, j'avais remarqué que le narrateur a 15 ans, donc ça se passe dans les années 60, et il évoque un voyage avec son père en Sologne, où ils doivent participer à une chasse à cours, et en même temps, le père, qui est visiblement lié à du marché noir qui perdure encore, doit négocier je ne sais quel contrat. Et le train, nous explique le livre, part de la gare de Lyon, et on voit les noms des gares qui s'égrènent. Or, ils vont à Orléans, et tous ceux d'entre nous qui connaissent un peu la région et les plans de la SNCF savent qu'on ne part pas de la gare de Lyon pour aller à Orléans, mais de la gare d'Austerlitz. Alors ça m'a un peu troublé, et j'ai regardé ce chapitre plus en détail, je me suis aperçu de quantité de phénomènes très très étranges, notamment que lorsqu'on suit les gares qui sont nommées et qu'on regarde par rapport à la ligne qui va vers Orléans, quelle différence il peut y avoir géographique, on s'aperçoit que la ville qui est placée entre les deux circuits SNCF, c'est la ville de Villejuif. Dans le train, à un moment, une petite averse a lieu et le texte dit que la pluie éraflait les vitres. Et on entend le mot rafle qui, bien sûr, est ici presque impropre dans la situation où sont les personnages. Et puis, ils vont à une chasse à course. Une chasse à cours, la rafle, enfin, on voit bien les relations que ça peut avoir. Et tout continue ainsi jusqu'à la fin du chapitre. On nous dit « on se serait cru à Varsovie ». Or, c'est en Sologne qu'on va et pas en Pologne. Et donc, on voit bien toute cette atmosphère de chasse aux Juifs qui imprègne le chapitre. Et le chapitre suivant commence par l'évocation d'une guerre qu'on fait aux Juifs, qui est visiblement la guerre du Kippour de 73, donc qui a lieu juste avant l'écriture du livre. Et puis toujours dans ce livre, Livret de famille, le narrateur qui est doué d'une mémoire qui précède sa naissance est sûr d'avoir vécu dans le Paris de l'occupation, puisqu'il se souvient de certains personnages de son époque, et même de détails, petits détails, infimes, troublants, de ceux qu'aucun livre d'histoire ne mentionne. Il y a quelque chose qui excède la réalité, il y a quelque chose qui est là de l'ordre de quelque chose de presque mystique. Oui, une sorte de mémoire traumatique qui infuse sur l'ensemble de l'œuvre, qui ainsi, on la voit se répercuter dans quantité d'autres textes. Je pense notamment à Villa Triste. Alors, Villa Triste, déjà, le titre est assez étonnant parce que est-ce qu'il existe une Villa Triste dans cette ville d'A qui pourrait être Annecy, on ne sait pas trop, mais il existe en revanche une Villa Chagrin en France, qui est le nom d'une prison qui se trouve à Bayonne. Or, le personnage qui a l'intention de partir aux États-Unis finalement échoue à Bayonne. Et cette prison de Bayonne, c'est celle où, pendant la guerre, on a enfermé les ressortissants belges et hollandais. On sait que la mère de Modiano était elle-même flamande, pour les mettre à l'écart de toute action qui aurait pu être répréhensible contre le régime de Vichy. Dans cette même ville d'Annecy, enfin, vraisemblablement, ville de Da, on fait aussi des listes qui sont assez inquiétantes. Et puis Triste, c'est aussi presque Trieste. Trieste était aussi un lieu de déportation important des Juifs italiens. Or, c'est à Trieste qu'on fabrique les jeux de cartes qui s'appellent Modiano et qui servent à jouer au poker. Et puis l'occupation, on peut terminer par ce troisième exemple, c'est aussi le thème du scénario du film de Louis Malle, La Combe Lucien, qui est écrit ou coécrit par Modiano. Je crois que ce film est très intéressant parce que, en fait, c'est là justement des éléments d'ordre biographique aussi qui infusent dans le film. On se souvient que La Combe Lucien a choisi finalement de rallier les rangs de la milice auprès de la Gestapo, alors que c'est un adolescent perdu. Enfin, il aurait pu très bien verser de l'autre côté. Il n'y a pas de motivation idéologique à son action. Or, le père de Modiano, lui-même juif, a visiblement beaucoup participé non seulement au marché noir, mais pour protéger son activité dans le marché noir, a aussi collaboré, ou du moins s'est approché des gens de la milice avec qui il entretenait des relations assez, assez troubles. Et cette position très ambivalente se répercute dans quantité de textes de Modiano. C'est un film qui a fait scandale. C'est un film qui a fait scandale, bien évidemment. Donc parce il a pu le prendre pour lui aussi, Patrick Modiano, finalement, ce scandale. Ce film est paru dans une période où la France était nourrie de lait résistentialiste. On savait bien que tous les Français avaient été résistants et que quasiment aucun d'entre eux n'avait collaboré. C'était le mythe de la réconciliation nationale qui était en vigueur. Et donc là, d'un seul coup, une brèche s'ouvrait dans la réalité d'une histoire qu'on n'avait pas forcément très envie de fouiller. Ce qui m'a toujours frappé, bizarrement, c'était plus l'oubli que la mémoire. C'est-à-dire que ce qui était beaucoup plus fort que que la recherche du temps perdu, c'était ces espèces de tentatives qui sont souvent très vaines d'essayer de creuser dans ces nappes d'oubli qui envahissent à peu près tous les souvenirs. Finalement, les souvenirs, ce sont des morceaux épars comme ça qui sont noyés dans une sorte de nappe d'oubli Et c'est surtout l'oubli qui me hante plutôt que les souvenirs ou la mémoire, parce que au fond, c'est l'oubli est beaucoup plus, c'est comme une masse sombre, comme ça, c'est beaucoup plus, il y a beaucoup, c'est beaucoup plus étendu que la mémoire, c'est quelques bribes qui vous restent, mais c'est noyé dans des espèces de nappes d'oubli, en fait. Compagnie des auteurs sur France Culture et à l'instant Patrick Modiano au micro d'Augustin Trapenard en septembre 2014. C'est donc moins, dit-il, la mémoire que l'oubli qui est en jeu dans sa littérature. Vous êtes d'accord avec ça, Dominique Viard ? C'est tout à fait ça, et la preuve en est que c'est une littérature de traces en fait. C'est une littérature qui cherche à faire surgir des traces, à s'en saisir, sans jamais préciser de quoi ces traces sont la trace. C'est pas un petit peu la même chose quand même ? C'est pas un peu l'envers d'une même chose, la mémoire et l'oubli ? C'est assez proche. Vous savez, plusieurs fois, dans plusieurs livres, dans un pédigré, je crois, et puis dans un accident nocturne, Modiano revient sur la sensation que lui procure l'éther. C'est un peu la Madeleine de Proust de Modiano, l'éther. C'est il raconte que quand il était enfant, voilà, il avait été blessé et que des bonnes sœurs qui s'étaient occupées de lui, lui avaient fait respirer de l'éther pour l'endormir. Et donc à chaque fois, cette odeur d'éther ravive pour lui des souvenirs de cette enfance, mais en même temps, c'est aussi un souvenir d'un endormissement. C'est-à-dire que c'est à la fois un souvenir et une manière de sombrer dans l'oubli. Moi, ce qui me paraît très frappant, c'est qu'il dit souvent qu'il part à la recherche de traces ou que des traces affleurent, adviennent à sa mémoire alors que lui-même pensait les avoir oubliées. Mais il est aussi un grand praticien de la trace. Nous parlions de Dora Bruder tout à l'heure. Lorsque Serge Klarsfeld, qui avait retrouvé une photo de Dora Bruder, lui a proposé cette photographie pour son livre, Modiano n'en a pas voulu. Parce que il voulait justement qu'on ne puisse pas voir Dora Bruder autrement que par les... Elle existe bien, cette photographie, dans le livre. Ah non, pas dans le livre. Non, elle a été publiée après, elle a pu être ajoutée dans des éditions commentées, mais elle n'existe pas dans le livre. Modiano voulait que ça demeure dans une sorte de flou et d'incertitude, que les photographies qu'il décrit n'existent que dans la description, c'est-à-dire dans les mots qui sont relativement impuissants à les faire paraître véritablement. De même qu'il n'évoque pas du tout Serge Klarsfeld, qui lui en a beaucoup voulu, alors qu'il l'avait aidé à récupérer un certain nombre d'informations autour de cette jeune femme. Donc, je crois qu'il est aussi une sorte d'esthéticien, enfin d'esthète de la trace et de l'évanouissement des choses. Alors, dans Dora Bruder, puisqu'on en parle, le narrateur s'intéresse beaucoup aux coïncidences. Et il y a une coïncidence qui est très grande, c'est que chez Victor Hugo, on retrouve un lieu qui, Picpus, voilà, qui abrite une scène. Je crois que c'est Cosette et Jean Valjean qui se cachent à un moment donné dans un bâtiment. Lequel bâtiment est celui identifié comme étant l'un de ceux où Dora Bruder va passer quelques mois. C'est important, cette idée de la coïncidence. Et là encore, on traverse un petit peu les siècles et il y a encore des couches qui se sédimentent, y compris des couches un peu imaginaires, puisque là, on parle de littérature avec Victor Hugo. Les coïncidences pullulent dans les livres de Modiano. Les figures qu'il évoque ne cessent de se rencontrer ou de se retrouver 10 ans, 20 ans plus tard, ou d'avoir le sentiment d'être déjà passé par là. Lui-même a le sentiment d'avoir joué dans le même square peut-être que Dora Bruder. Enfin, on sent un monde qui est fait comme une sorte de réseau, de rencontres possibles, de réminiscences, de retrouvailles. Alors, les gens se perdent tout le temps, mais se retrouvent parfois. Vous voyez, on est toujours dans cette sorte d'entre-deux de l'incertitude. C'est tout à fait fascinant, et c'est travaillé, évidemment, par l'auteur. On finit, en lisant ces livres, par se demander si les coïncidences qui sont présentes sont des coïncidences fictives ou réelles, comme s'il fallait troubler, en plus, les schèmes du temps et les existences individuelles, les faire se recroiser de façon plus étrange les unes que les autres. Mmh. Et puis, il y a des coïncidences aussi assez frappantes. Pourquoi choisit-il Dora Bruder ? Alors, c'est une jeune fille, son histoire est un peu romanesque, en même temps, on ne la connaît pas très bien. Vous rappelez que ça tout part d'une petite annonce lue en 1988 par le narrateur dans un journal, petite annonce dans une rubrique d'hier à aujourd'hui, qui date en réalité de la période de l'occupation. Et cette petite annonce, vous allez le dire mieux que moi. Oui, cette petite annonce qu'il avait déjà utilisée d'ailleurs de manière beaucoup plus fictive dans un voyage de noces. Mais pourquoi est-ce que cette petite annonce le frappe tant ? On peut peut-être s'interroger sur ce qui a retenu son intérêt là. Alors il y a le boulevard d'Ornano, il y a des lieux que Modiano lui-même a fréquenté un peu avant. Mais ce nom n'est pas anodin. Vous rappeliez tout à l'heure que Modiano a dédié la plupart de ses premiers livres à son frère Rudi. Bruder en allemand, c'est le frère. Mmh. Et Dora, c'est l'un des camps d'extermination nazis. Je lis la petite annonce en question. On cherche une jeune fille, Dora Bruder, 15 ans, 1m55, visage opale, yeux gris-marron, manteau gris-sport, pullover bordeaux, jupe et chapeau bleu marine, chaussures sport marron, adressez toutes indications à monsieur et madame Bruder, 41 boulevard Ornano, Paris. Et c'est donc à partir de cela que tout va se tisser. C'est à partir de cela que tout démarre. Ce qui est frappant là, c'est qu'on a justement un nom de famille, Dora Bruder. On a une adresse, boulevard d'Ornano. C'est le fonctionnement de la plupart des romans et récits de Modiano, partir d'un nom et d'une adresse. Des adresses qui, je parlais tout à l'heure d'une absence d'enracinement. C'est vrai que lui n'a pas eu une vie enracinée, mais les adresses, bizarrement, ne sont jamais des adresses où on s'enracine. Ce sont des meublés, ce sont des hôtels, ce sont des bars, ce sont des lieux de passage. Hein. Ce ne sont pas des lieux où une lignée familiale peut s'installer. On habite dans des maisons provisoires, dans des lieux d'emprunt. On est chez des amis ou chez des connaissances qui vous hébergent pendant un temps. Donc les lieux sont présents, mais ils sont fluctuants. Tout échappe, en fait. Il y a une sorte de liquéfaction du monde. Et alors les adresses sont d'autant plus nombreuses qu'on cherche à retenir ce qui ne cesse de s'échapper. Et je crois que si, effectivement, c'est ce nom-là qui a retenu l'intérêt de Modiano, c'est parce qu'on y lisait à la fois un écho de sa vie propre, de ce frère, Bruder, Rudi, mm-hmm. Qui est presque l'anagramme d'ailleurs aussi, qu'il a tant aimé et dont la disparition lui est si douloureuse. Et puis, il y a quand même l'évocation de la judéité, une judéité qui est compliquée pour Modiano, puisque son père, justement, lisait des écrivains antisémites, puisque lui-même, dans La Place de l'Étoile, se présente comme un juif antisémite. Enfin, on est dans l'ambiguïté la plus profonde. Et puis, on terminera peut-être par là, Dominique Viard, cette idée que vous avez déjà un peu évoquée, que Dora Bruder, c'est une fugueuse. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de vide dans l'histoire de Dora Bruder. On ne sait pas ce qu'elle fait quand elle fugue et Patrick Modiano soit n'a pas retrouvé, soit n'a pas voulu retrouver, probablement qu'il n'a pas pu retrouver ce qu'a fait cette jeune fille quand elle était en fugue. Et lui-même est un fugueur multirécidiviste, je crois. Enfin, en tout cas, il a fugué le 18 janvier 1960, à une époque qui pourtant n'avait pas la noirceur de décembre 1941. Mais là encore, il y a un jeu de correspondance qui est tout à fait évident. La fugue est un motif presque musical d'ailleurs chez Modiano, avec ce jeu de retour thématique des personnes qui apparaissent et disparaissent et qui cherchent toujours effectivement à échapper. Ce qui est amusant dans Dora Bruder, c'est lorsqu'il évoque les motifs que Dora a pu avoir de fuguer, il y revient par deux fois et il donne deux explications qui sont à l'opposé l'une de l'autre. Il dit que finalement, ce qui lui a donné envie de partir, c'était un jour triste d'hiver, un peu sombre, où on a l'âme mélancolique et du coup, on décide de s'enfuir. Et dans un autre passage, il dit que finalement, elle est partie parce que c'était un jour très ensoleillé et que ça donnait envie de vivre et de s'en aller. Et tout Modiano est à cette image, c'est-à-dire que il y a toujours un moment dans le livre où ce qui nous a été dit est nié ou invalidé par un autre passage. Merci beaucoup Dominique Viard. Je signale donc au passage aux auditeurs votre anthologie de la littérature française contemporaine depuis 1980. C'est un ouvrage de référence qu'on peut trouver aux éditions Armand Collin. Et puis on va continuer de parler en seconde partie de Dora Bruder avec cette fois Laurent Douzou. Mais tout de suite, c'est en compagnie des revues. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et nous sommes en compagnie aujourd'hui du nouveau magazine littéraire avec vous, Alexis Broca. Bonjour. Bonjour Mathieu. Peut-être d'abord sur Modiano. Je suis sûr que c'est un écrivain qui vous intéresse particulièrement. C'est un écrivain qui m'intéresse particulièrement, qui intéresse aussi particulièrement le nouveau magazine littéraire puisqu'on le suit. Et depuis toujours. Depuis toujours. Voilà, quasiment. Et, en regardant dans les archives d'ailleurs du magazine littéraire, lorsqu'on a fêté les 40 ans, j'ai eu le plaisir de retrouver effectivement un papier sur la place de l'Étoile. Pour moi, Modiano, beaucoup de choses qui me fascinent en Modiano. En effet, sa science, sa façon de nous raconter des histoires parcellaires. Il y a une dimension policière chez Modiano. On attend un dévoilement. Et en même temps, lorsqu'on ouvre à Modiano, on sait très bien que la vérité de ces histoires ne nous sera jamais donnée exhaustivement. Qu'on aura exactement, comme vous le disiez, des instantanés, des impressions, des moments qui ne seront pas reliés les uns aux autres et qui sont à la fois d'extraordinaires supports pour le rêve du lecteur. C'est-à-dire qu'on peut s'imaginer beaucoup de choses. Et en même temps, le fait que ces informations soit si parcellaire, empêche la reconstruction d'une histoire complète. Et du coup, on reste comme ça dans cette espèce de flou poétique dans lequel, je pense, cherche à nous maintenir Modiano. Alors, je ne sais pas s'il y a des héritiers de Modiano dans tous les romans de la rentrée, romans de la rentrée sur lesquels vous faites votre couverture. Qui aimerait beaucoup être des héritiers de Modiano. Je ne suis pas sûr qu'il le soit. À mon avis, le ton de Modiano est vraiment unique. Mais oui, c'est-à-dire que nous parlons des livres parus cet automne. J'insiste parce que nous parlons juste des livres, c'est-à-dire que nous faisons fi des scandales médiatiques programmés, des accroche-pipole ou bien des petits arrangements entre amis qui parasitent traditionnellement les publications de rentrée. Et pour évoquer ces publications, nous avons largement ouvert le journal, c'est-à-dire que nous avons 40 pages de critiques pour recevoir nos enthousiasmes et nos déceptions, mais aussi pour nous permettre de traiter des auteurs qui ne sont souvent pas très connus. Il y a quand même quelques grosses vedettes. Hein. Bien sûr, il y a des vedettes. Alors, nous avons par exemple un très grand entretien avec Salman Rushdie qui fait paraître La Maison Golden. C'est Mark Weisman qui est allé voir Monsieur Rushdie à New York. On a une ample critique du dernier livre de l'excellente romancière britannique Zadie Smith, Swing Time. Swing Time qui raconte les développements d'une amitié d'enfance entre deux petites métisses de la banlieue londonienne qui se passionnent pour la danse et pour Fred Astaire. Et puis bien sûr, nous évoquons les livres de Javier Sarkaz, d'Eric Fotorino, de Maëlys de Kerangal, de Jean Hatzfeld, des auteurs connus mais qui ne le doivent qu'à la qualité littéraire de leurs textes. Alors ça, c'est pour les stars. Vous avez également des découvertes ou des redécouvertes de cette rentrée dont vous souhaitez nous parler. Oui, on a de nombreuses découvertes ou redécouvertes. Parmi les découvertes, je voudrais citer le premier roman de Philippe Lewis chez Belfond qui s'appelle Les jours de silence, qui raconte c'est très difficile à résumer, mais c'est une histoire de famille isolée, de tentatives d'écriture ratées qui rappelle à la fois le Shining de Stephen King et la chute de la maison Usher d'Edgar Poe. Il y a une nouveauté aussi que j'aime beaucoup, c'est l'américain Luke Reinhardt qui avait signé dans les années 70 un livre qui s'appelle L'homme D et qui revient avec un roman joyeusement anarchiste qui s'appelle Invasion et qui raconte l'invasion de la Terre par une armée, par des extraterrestres qui ne pensent qu'à s'amuser et qui ridiculise littéralement notre esprit de sérieux, nos institutions, etc. C'est une satire qui est pas toujours très fine, mais qui est tellement dingue, loufoque et inventive qu'on en oublie tous ses défauts. Et puis il y a aussi un très grand roman français qui est celui de Guy Bollet. C'est le deuxième roman de Guy Bollet. Mm-hmm. Guy Bollet, c'est un auteur autodidacte qui a une plume vraiment lyrique, très belle, et qui a enthousiasmé une de nos jeunes critiques. Ça s'appelle « Quand Dieu boxait en amateur ». Écoutez, si vous avez encore d'autres choses à nous conseiller. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que cette sélection, en fait, cette diversité dans la sélection est un parti pris parce que, vous savez, chaque année, tous les journalistes sont tentés d'élire un angle, une tendance qui leur permettra de... La fameuse thématique. La fameuse thématique, voilà. Au magazine littéraire, bon, bien sûr, il y a des tendances. Hein. Par exemple, il y a beaucoup de romans qui traitent de l'écologie. Il y a beaucoup de romans aussi qui évoquent des grandes figures du cinéma. Mais réduire la littérature à une mode ou à une injonction réductrice, on s'y refuse. Notre seule ligne éditoriale, c'est l'enthousiasme. Et à lire ce numéro, je pense que ça se sent. Bon, Alexis Broca, il faut aussi signaler dans cette rentrée un incontournable qui est votre roman. Il s'intitule « Un dieu dans la machine » prend comme toile de fond la société du Big Data. Nous le conseillons à tous nos auditeurs. Peut-être aurons-nous l'occasion d'en reparler. Il est publié aux éditions Phébus. Merci, à très bientôt, Alexis. Et nous continuons à parler de la question de la mémoire et de l'oubli dans la littérature de Patrick Modiano. Nous le faisons à présent avec Laurent Douzou, historien, spécialiste de la résistance et de l'occupation, auteur notamment au Seuil en 2005 du livre « La résistance française, une histoire périlleuse ». Avec lui, nous continuons à prendre comme point de mire principal à notre émission le livre d'Aura Bruder, dont voici un nouvel extrait, lu cette fois par Catherine Deneuve. Février 1942. Deux mois avaient passé depuis sa fugue. J'ai fini par me persuader que c'était dans ce glacial et lugubre mois de février où la police des questions juives tendait des traquenards dans les couloirs du métro, à l'entrée des cinémas ou à la sortie des théâtres, que Dora s'était fait prendre. Il me paraissait même étonnant qu'une fille de 16 ans ait pu leur échapper pendant tout ce temps, à moins d'avoir trouvé une planque. Mais laquelle, dans ce Paris de l'hiver 1941-1942, qui fut le plus ténébreux et le plus dur hiver de l'occupation. Avec dès le mois de novembre des chutes de neige, une température de moins 15 en janvier, l'eau gelée partout, le verglas, la neige. Quel était donc son refuge? Et comment faisait-elle pour survivre dans ce Paris-là? Ce mois de février, le soir de l'entrée en vigueur de l'ordonnance allemande interdisant aux Juifs de Paris de quitter leur domicile après 20 heures et de changer d'adresse, mon père avait été pris dans une rafle aux Champs-Élysées. Dans le panier à salade qui l'emmenait à la rue Griffule, siège de la police des questions juives, il avait remarqué parmi d'autres ombres une jeune fille d'environ 18 ans. Il l'avait perdue de vue et avait réussi à s'enfuir. Mon père avait fait à peine mention de cette jeune fille lorsqu'il m'avait raconté sa mésaventure pour la première et la dernière fois de sa vie. Un soir de juin 1963, nous étions dans un restaurant des Champs-Élysées, presque en face de celui où il avait été appréhendé 20 ans auparavant. Je l'avais presque oublié. Jusqu'au jour où j'ai appris l'existence de Dora Bruder. Alors la présence de cette jeune fille dans le panier à salade avec mon père et d'autres inconnus, cette nuit de février, m'est remontée à la mémoire et bientôt je me suis demandé si elle n'était pas Dora Bruder, que l'on venait d'arrêter elle aussi, avant de l'envoyer aux tourelles. Bonjour Laurent Douzou. Bonjour. Merci d'être avec nous. Une réaction peut-être d'abord à cet extrait de Dora Bruder qu'on vient d'entendre. Oui, cet extrait, dans le prolongement de ce que vous venez de dire les uns et les autres, montre un tourbillon. C'est-à-dire que vous avez une succession de questionnements, le point de gravité étant Dora Bruder, qu'a-t-elle pu devenir ou s'est-elle planquée, et puis on glisse insensiblement tout à fait vers autre chose pour revenir vers elle. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'au bout du compte, on sait toujours pas où elle s'est planquée. C'est-à-dire que ça, c'est du Modiano pur, ce que vous, l'extrait que vous venez de choisir, et c'est ça qui m'intéresse chez lui. C'est cette espèce de défiance vis-à-vis de toute grille d'intelligibilité. Alors, comme historien, on passe son temps à bâtir des grilles d'intelligibilité. Ça vous repose, du coup, de lire Patrick Modiano? Non, ça me met en alerte contre le risque très fort d'expliquer le passé avec trop de clarté. Ouais. Et quand je le lis, je suis très frappé par ça. Par exemple, le thème de votre émission, c'est l'association intime entre Modiano et la période de l'occupation. Mais je mets au défi quiconque de lire l'intégralité de l'œuvre de Modiano et de savoir ce qu'était l'occupation, en France ou à Paris. Il y a rien là-dessus. On n'a pas un sentiment de ce que c'était que l'occupation. Voilà. Là, ce qui serait fort, c'est que là, vous avez employé tout à l'heure, Dominique Vert, le terme d'atmosphère. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est plus qu'un théâtre. C'est une atmosphère. Il arrive de façon très fine à nous faire pénétrer cette période. Mais il y a très peu de faits. Ou plutôt, il y en a une avalanche, mais ils sont jamais bien expliqués. Le seul livre qui, au fond, regorge de faits, c'est Place de l'Étoile, mais qui ne peut être compris que par un érudit qui aurait énormément travaillé sur la période, parce que c'est bourré de références qui sont inintelligibles pour le commun des mortels. Et ça n'intéresse pas Modiano, au bout du compte, d'établir les faits, de donner des dates. Et même, je pense qu'il y a chez lui une forte suspicion à l'égard de tout ce qui serait trop fixe. Sa date de naissance fictive le prouve tout de même assez. Alors sa date de naissance fictive le prouve. Moi j'ai une autre hypothèse, c'est que là c'est quelque chose d'assez banal. Les gens qui vivent à une certaine période sont toujours persuadés que les périodes qui ont précédé étaient beaucoup plus exaltantes. Ouais. Donc il y a cette espèce d'idée d'un âge d'or et je pense que banalement c'est ce qui se passe là, sauf que il rêve pas d'une période d'un âge d'or, il rêve d'une période extraordinairement noire. Mais lui dit, alors j'aime Est-ce bien... Est-ce qu'il en rêve tout de même? Est-ce qu'on peut dire qu'il en rêve? Je crois qu'il en rêve, oui. Quelquefois, il en cauchemarde. C'est ça qui est intéressant chez lui, c'est que c'est jamais aussi net que ça. Mais quand il en parle, il dit « c'est une drôle d'époque entre chien et loup ». Je crois que c'est parfait, parce qu'en effet, entre chien et loup, on voit pas grand-chose. En même temps, on a une vision assez acérée, on peut apercevoir des choses. Donc chez lui, il y a ça. Il est, en d'autres termes, aux antipodes de l'histoire comme discipline méthodique où on établit les faits. C'est assez émouvant ce qu'on a entendu dans l'extrait lu à l'instant, cette façon qui me semble assez modianesque, vous allez me dire ce que vous en pensez, d'aller chercher jusqu'au détail de la météo, de dire qu'en effet il faisait très froid, et ça c'est vrai qu'il a fait très froid durant les mois où Dora Bruder a fugué, et où ensuite elle a été internée puis déportée. Pour l'historien, est-ce que ça compte aussi le fait qu'il fasse froid, ou est-ce que là on est dans un détail qui est un détail qui relève davantage de la littérature? Non, je pense que c'est crucial. Il dit, il faisait très froid, il dit même moins 15. Il a dû regarder, je lui fais confiance. C'est-à-dire que ça doit être vrai. L'ordonnance sur les Juifs, elle est également très certainement attestée. Ce que je veux dire par là, il y a chez lui, il ne faut pas s'y tromper, un énorme travail d'investigation pour comprendre en profondeur la période. Mais une fois qu'il a fait ce travail, contrairement à un historien qui écrirait un livre ou qui ferait un cours aussi clair que possible, lui brouille les cartes. C'est-à-dire qu'au lieu de nous dire ben « voilà, je suis arrivé à établir ça », il prend sa distance et il dit « au fond, ça ne m'intéresse pas beaucoup parce que ça ne dit rien d'elle, de Dora Bruder ». Mais rien ne dit que ce que lui dit d'elle correspond à la personne qui était Dora Bruder. Non, rien ne le dit, mais je suis pas sûr que dans les livres d'histoire, ce qu'on dit des personnages en règle générale soit plus juste que ce que lui dit Dora Bruder. Et c'est en cela qu'il est très précieux pour un historien, à mon avis. Vous allez commencer une carrière d'écrivain, non, Laurent Douzou, après votre longue carrière d'historien, pour toucher davantage à la vérité? Dominique Verlet l'a dit, en fait, l'histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire qui précisément s'inscrit d'une certaine manière dans le sillage de Modiano. Il a cité Patrick Boucheron pour en citer d'autres. Je crois qu'on est très très loin de cette histoire qui pensait qu'en établissant les faits, en donnant des dates, etc., on comprenait le passé. Et ce qui est très intéressant, c'est que les historiens d'aujourd'hui s'interrogent eux-mêmes sur les motivations qui les amènent à étudier ceci ou cela, sur les préjugés qu'ils peuvent avoir, etc. Donc, je dirais qu'on a probablement gagné en humanité et en incertitude. Et Modiano, c'est ça. C'est-à-dire que Dora Bruder, c'est un monument d'humanité. Et en même temps, on lit ce livre, on est happé par ce livre, parce qu'on voudrait savoir, comme vous disiez, ce qui va se passer. Et il y a ce qu'il dit à la fin, alors je vais quand même faire la citation, parce qu'elle est incroyable. Il vient de faire toute cette enquête, dont on comprend qu'elle lui a pris des années, qu'elle l'a obsédé, c'est lui qui emploie ce terme d'obsession. Et il écrit ceci: « J'ignorerais toujours à quoi elle passait ses journées, où elle se cachait, en compagnie de qui elle se trouvait pendant les mois d'hiver de sa première fugue et au cours des quelques semaines de printemps où elle s'est échappée à nouveau. C'est là son secret, un pauvre et précieux secret que les bourreaux, les ordonnances, les autorités dites d'occupation, le dépôt, les casernes, les camps, l'histoire, le temps, tout ce qui vous souille et vous détruit n'auront pas pu lui voler. » Ça, c'est extraordinaire, parce qu'au fond, vous avez vu qu'il épingle au passage l'histoire avec un grand H, ou Pérec aurait dit avec sa grande H, c'est ça l'idée. Et il y a une méfiance très très forte, et donc au fond l'idée que ce secret lui appartient, et que le divulguer ou même le percer, c'est peut-être pas souhaitable. C'est pas le misérable petit tas de secrets à la Malraux, non. C'est un secret qui est le secret de la vie de chacun. Voilà, c'est intéressant parce que c'est d'une certaine manière peut-être un misérable secret, peu importe, c'est enfin en tout cas le secret ordinaire qui est notre lot à tous. Et donc il y a chez lui cette idée que, vous disiez tout à l'heure que la photo que Serge Klarsfeld avait, qui est très précieuse, il n'en avait pas fait usage. Il y a tout de même des photos, j'en suis sûr, mentionnées dans Dora Bruder, c'est peut-être pas cette photo-là en particulier. Non, il les mentionne, il est très attentif aux photos, mais il se garde bien de reproduire la photo et de la légender, ce qui est tout à fait autre chose. De même, vous disiez la petite annonce, vous me demandiez pourquoi cette attirance pour cette petite annonce. Mais parce qu'au fond, si vous réfléchissez un peu, c'est exactement la situation de l'historien quand il est aux archives et qu'il tombe sur une fiche ou sur un dossier qu'il ouvre et il a des renseignements. Voilà, quelqu'un qui fait 1m72, qui a les yeux marrons, etc. Ça lui dit strictement rien de la personne à laquelle il s'intéresse. Donc au fond, il y a chez Modiano cette idée-là. C'est-à-dire que on peut vous accabler de faits, de détails, de choses qui sont avérées. Et en même temps, il reste que vous n'y comprenez rien, ou qu'il y a là quelque chose d'insondable. Mais ce que j'aime chez lui, c'est que du coup, il va se mettre à chercher avec acharnement. C'est-à-dire qu'il ne s'avoue jamais vaincu, même s'il sait qu'à la fin, il va rendre les armes, parce que ce n'est pas intéressant. Alors, on a dit tout à l'heure que le premier roman de Patrick Modiano était sorti en 1968. On a parlé du contexte de mai 68. Dora Bruder, ça paraît en 1997. Il y a aussi un contexte qui est le contexte du procès Papon, par exemple. Et du procès Touvier. Et du procès Touvier. Est-ce que là, du coup, l'historien ne peut pas nous donner son opinion sur la porosité entre l'actualité des années 90 par rapport, enfin l'actualité historique finalement des années 90, le travail de mémoire qui se fait à ce moment-là, et la possibilité d'écrire un livre comme Dora Bruder. Alors l'historien, comme vous dites, peut toujours donner une opinion. L'historien peut tout faire, il est formidable. Mais en même temps, je dirais qu'en l'occurrence, l'historien va se méfier, parce que Place de l'Étoile, c'est 68, Le Chagrin et la Pitié de Fulle, c'est tourné en 69. Dora Bruder, il commence à l'écrire, dit-il, en 1988. On a déjà inculpé un certain nombre de hauts responsables de crimes contre l'humanité à cette époque-là. Mais le procès Touvier, c'est 94, le procès Papon, c'est 98, et la date de parution de Dora Bruder, c'est 97, c'est-à-dire l'année où est mise en place la commission d'études sur les spoliations des familles juives, commission Matteoli. Donc il y a des coïncidences. Mais pour moi, c'est des coïncidences à la façon de Modiano. C'est-à-dire, Modiano s'est sans arrêt intéressé à ça. Et cette histoire-là, elle n'a cessé de nous rattraper collectivement depuis la libération. Donc, je ne sais pas s'il faut trouver coïncidence au sens parfait du terme et dire, au fond, il est dans l'air du temps. Il y a une atmosphère, quand même. Il y a une atmosphère, mais Modiano, quand il commence à s'intéresser à ça en 88, je pense que son intérêt pour l'occupation est bien antérieur. Vous voulez dire Shoah, un mot, Dominique Viard? Il y a le film Shoah, quand même, de Lanzmann, qui est en 85, si je me souviens bien, et donc qui a relancé de manière très très forte tout l'intérêt à la fois des historiens et des littéraires pour ces questions de la déportation et de l'extermination. Donc vous voyez davantage quand même un contexte qui a son importance. Hein. Modiano l'a précédé, Laurent Douzou le dit très justement, en 68, c'était déjà bien avant tout ça. Il y a une autre coïncidence aussi d'accord qu'on pourrait relever, c'est que le livre d'Alain Corbin, Louis-François Pinago sur les traces d'un inconnu, qui introduit en France un peu, enfin qui est l'un des livres qui introduisent en France la méthode micro-historienne, paraît en 98, c'est-à-dire juste après. Sur les traces inconnues, c'est aussi quasiment une phrase qu'on lit d'ailleurs dans Dora Bruder. Et vous parliez tout à l'heure de Météo. Corbin est aussi connu pour son histoire de l'impalpable, des odeurs, enfin ça. Je crois qu'il y a là des formes de convergence entre la pratique historienne et la pratique littéraire qui, moi, me semblent tout à fait passionnantes et à laquelle Modiano participe beaucoup. Oui, je suis assez d'accord avec ça. À cette réserve près qu'à mon avis, Modiano est extrêmement méfiant envers l'histoire et les historiens, comme par exemple pouvait l'être François Maspero, premier chapitre des Abeilles et la Guêpe, où on voit qu'il a tout lu, qu'il a une érudition parfaite, et qu'en même temps, il ne cesse de dire, mais au fond, les historiens sont des gens qui comprennent mal ça ou qui n'en rendent pas compte de façon satisfaisante, parce que ce qui leur manque, c'est ce sur quoi travaille Alain Corbin, c'est la sensibilité, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est bien joli de comprendre ou de dire qu'on a compris les choses, mais c'est encore mieux de se représenter la façon dont les gens ont vécu une période. Et Dora Bruder, c'est exactement ça. Alors, on va revenir un tout petit peu, justement, en 1968, avec un extrait de La Place de l'Étoile. C'est quasiment le début, et c'est lu par Éric Génovès. Je vous ferai ensuite réagir sur cette manière de parler de l'occupation et de cette période qui est totalement différente, Laurent Douzou. Je relis une dernière fois l'article que me consacra Léon Rabatette dans un numéro spécial d'Ici la France. Jusqu'à quand devrons-nous assister aux frasques de Raphaël Chlemilovitch? Jusqu'à quand ce juif promènera-t-il impunément ses névroses et ses épilepsies du Touquet au Cap d'Antibes, de la Baule à Aix-les-Bains? Je pose une dernière fois la question. Jusqu'à quand les métèques de son espèce insulteront-ils les fils de France? Jusqu'à quand faudra-t-il se laver perpétuellement les mains à cause de la poisse juive? Dans le même journal, le docteur Bardamu éructait sur mon compte. Chlemilovitch, ah la moisissure de ghetto terriblement puante, Pamoison, chiotte, foutriquet, prépuce, arsouille, libano, ganac, rentemplant, blanc. Contemplez donc ce gigolo yiddish, cet effréné empaffeur de petites ariennes, avorton infiniment négroïde, cet abyssin frénétique jeune nabab. À l'aide, qu'on les tripe, le châtre. Délivrez le docteur d'un pareil spectacle, qu'on le crucifie, nom de Dieu. Rastaquer des cocktails infâmes, youtre des palaces internationaux, des partouzes made in Haïfa, Cannes, Davos, Capri et tutti quanti, grand bordel extrêmement hébraïque. Délivrez-nous de ce circoncis muscadin, ces Maserati rose Salomon, ces yachts façon Tibériade, ces cravates Sinaï, que les ariennes, ces esclaves, lui arrachent le gland, avec leurs belles quenottes de chez nous, leurs mains mignonnes, lui crèvent les yeux. Suce au calife. Révolte du harem chrétien, vite! Vite, refus de lui lécher les testicules, lui faire des mignardises contre des dollars. Libérez-vous! Compagnie des auteurs sur France Culture. Évidemment, ici, on est dans le pastiche, on est dans l'ironie, enfin l'ironie qui est très grinçante. Comment vous analysez ce passage ? Je ne sais pas si je peux l'analyser. Ce qui me frappe, c'est vrai qu'on a dit qu'on n'analysait plus maintenant. Non, mais on est dans son extraordinaire violence. C'est très frappant parce que tout le reste de l'œuvre de Modiano est aux antipodes de ça. Donc j'ai l'impression qu'au fond, ça, c'est comme une espèce de conditions nécessaires pour qu'advienne le reste de son œuvre. Et il y a c'est la jeunesse aussi, il a 23 ans. Non, mais il y a un abcès qu'on crève. Il y a quelque chose, la question, d'où cette violence, d'où ces purulences, ces repoussants, enfin c'est tout ce qu'on voudra. C'est un livre que moi je trouve très difficile à lire pour cette raison-là, même si on comprend bien qu'on est au second degré, tout ce qu'on voudra, mais il est difficile. Tous les registres qu'il utilisera ensuite sont radicalement différent de celui-là. Donc pour moi, il y a comme une manière d'expurger quelque chose d'intolérable qui est attaché à cette époque et au passé trouble de son père, au trafic divers, etc. Mais j'ai l'impression que c'est très, très atypique. Mais peut-être que là, je me trompe, je ne suis pas spécialiste de littérature. Je voudrais qu'on termine, puisque l'histoire, ça n'est pas que l'histoire de l'occupation. Il y a aussi d'autres moments d'histoire que Modiano utilise d'une certaine façon. Je pense au livre « L'herbe des nuits », qui est un roman très récent, hein, qui date de 2012. Elle a été publiée, comme les autres d'ailleurs, je crois, chez Gallimard. Et il peut peut-être intéresser aussi l'historien que vous êtes malgré tout, Laurent Douzou, parce qu'il évoque en filigrane l'affaire Ben Barka. Là, c'est un roman qui se présente comme un polar, mais c'est aussi une affaire Ben Barka où il n'est ni question d'affaire et ni question de Ben Barka. Donc c'est pareil, c'est une manière de s'approprier l'histoire qui lui est toute particulière, qui lui est toute personnelle. Oui, c'est un faculté, je sais pas trop quoi penser. Je pense que c'est un créateur et les créateurs ont cette licence. Il peut se permettre de faire ça. Il n'est pas historien. Il n'est pas mis en demeure de retracer l'affaire Ben Barka que par ailleurs on connaît assez bien. Et donc c'est pas ce qui l'intéresse. De la même façon que Dora Bruder l'intéresse prodigieusement. Et en même temps, je suis pas sûr que ce soit le thème central de son livre. C'est quoi le thème central alors? C'est la quête. C'est la quête d'une fille en fugue par un type qui lui-même a bien connu la fugue. C'est la quête de quelqu'un qui, en essayant de la comprendre, pense que peut-être il comprendra mieux son propre itinéraire. Donc, il y a chez lui un jeu de miroir constant. Et c'est quelqu'un qui est sans arrêt en quête de sens, mais pas du sens sur mesure, bien fait, où tout s'explique. Sans arrêt, il essaie d'aller vers une explication et en règle générale, il ne l'atteint pas. Mais quand on le lit, on comprend une foule de choses. C'est là qu'est le paradoxe, c'est-à-dire que sans nous donner de réponse claire, il nous permet de mieux comprendre une foule de choses. Vous pourriez donner Dora Bruder à lire à vos étudiants ? Alors oui, très certainement. D'ailleurs, je le conseille très vivement chaque année à mes étudiants. Je ne le conseillais pas autrefois, et donc c'est là aussi il y a une évolution qui se produit. C'est-à-dire qu'il me semble que quand on fait un cours, je ne sais pas, sur la Shoah, sur la complicité de génocide, on a besoin de Dora Bruder, on a besoin d'autres auteurs de fiction et je les recommande vivement. Merci Laurent Douzou. Je Je rappelle votre article « Quand la fiction vole au secours de la réalité », le cas d'Aura Bruder dans l'ouvrage collectif « Lecture de Modiano ». C'est aux éditions Cécile Dufaux. Et puis on attend l'apparition prochaine de votre livre sur la résistance à l'épreuve du genre aux presses universitaires de Rennes. Cette émission n'aurait pas été possible sans Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Stéphanie Vélin et Jean-Frédéric. Demain, notre dernier épisode consacré à Modiano. Je serai en compagnie de Claude Burgelin et nous parlerons en particulier des romans La Petite Bijou et Accident Nocturne.